Ah, c'est sûr, il existait déjà depuis tellement longtemps. Il ne faut pas évaluer si son territoire est situé que tem que ter que virar uma espirinha na bolha, até pisou. Então, um pessoa que se contacta, esse deve ser de clérigo. Pelo que vão fazer da fonction de l'écriture. Il y a certes l'écriture qui a joué un rôle tout à fait décisif dans le support de quelque chose auquel nous avons cet accès-là et à bien d'autres, à savoir une structure sociale. C'est survenu très longtemps. Et d'où jusqu'à une époque récente, on pouvait conclure qu'il y avait une toute autre filiation dans la discussion que ce qui s'était engendré chez nous. Il y a maintenant ce silence qui nous intéressait particulièrement. À savoir le film philosophique, en tant que celui où était l'année dernière, il est nodal pour comprendre ce dont il s'agit quant au discours du maître. Alors voilà comment se lance cet exercice. Comme je vous l'ai déjà montré au tableau la dernière fois, je dis l'église de ciel. Ciel, il y a, c'est sous le ciel. Tout ce qui est sous le ciel, ici c'est un déterminatif, il s'agit de quelque chose qui est dessous le ciel. Qu'est-ce qui est dessous le ciel, qu'est-ce qui vient après. Que vous voyez là, mais d'autres choses désignatives. Parole, dans l'occasion, nous dénoncerons Yen. Yen signe, je l'ai déjà mis au tableau la dernière fois, en vous signalant que c'était justement un des éléments qui nous préoccuperont cette année, pour autant que le terme qui en approche le plus, c'est celui de la nature. Et Yen, c'est quelque chose qui conclut une phrase sans dire à proprement parler qu'il s'agit de quelque chose. Alors, ce que nous dénonçons être, c'est une conclusion. C'est une conclusion, disons, une ponctuation. Car, la phrase continue ici, puisque les choses écrites de droite à gauche, la phrase continue ici par un certain saut. Qui veut dire par conséquent, ou qui en tout cas indique le conséquent. Alors, voyons donc que lorsqu'il s'agit bien, il ne veut rien dire d'autre que le chien. Mais comme tous les termes énoncés, la langue chinoise, c'est susceptible aussi d'être employé au sens d'un verbe. Donc, ça peut vouloir dire à la fois la parole et ce qui parle. Et qui parle quoi, ça serait, dans ce cas, ce qui suit, à savoir signe la nature. Qui parle de la nature sous le ciel. Et il y a une ponctuation. Néanmoins, c'est dans cela qu'il est intéressant de s'occuper d'une phrase de la langue écrite. Vous voyez, vous pourriez couper les choses autrement et dire la parole. Voir. Le langage, car s'il s'agissait de préciser la parole, nous aurions un autre caractère légèrement différent. à ce niveau d'être dans les esprits, le caractère, c'est bien de vouloir dire la parole de l'ange. C'est ça que l'ambiguïté sont tout à fait fondamentales dans l'usage de ce qui s'écrit à Cassidy. Et c'est ce qui fait la portée. Je voulais faire marquer, comme je voulais faire marquer au départ de mon discours de cette année, et plus spécialement la dernière fois, que c'est vraiment non. Que la référence quant à tout ce qui est du langage est toujours indirecte, que le langage prend sa portée. Nous pourrions donc dire aussi le langage en tant qu'il est dans le monde, qu'il est sous le ciel. Le langage, voilà ce qui fait signe la nature, car cette nature n'est pas au moins la même que n'importe quelle nature, il s'agit justement de la nature de l'être parlant. D'ailleurs, dans un autre passage, il tient à préciser qu'il y a une différence entre cette nature et la nature de l'animal. Qu'est-ce-t-il en deux termes? Ils veulent bien dire ce que je veux dire. Une différence infinie. Et qui peut-être est celle qui est définie là. Vous verrez d'ailleurs que nous prenions l'une ou l'autre de ces interprétations, l'axe de ce qui va dire comme conséquence ne sera pas changé. Sauf donc, c'est la conséquence. En conséquence, le coup, c'est dit, tout, en conséquence, c'est de cause. La cause ne veut pas dire autre chose, quelle que soit l'ambiguïté. Qu'un certain livre qui est celui Menschlich und Mensch, là ça vaut un livre commis par un nommé Richard, qui n'était certainement pas jamais vu. Richard et Hobden sont les deux chefs de cure d'une position née en Angleterre et tout à fait conforme à la meilleure tradition de la philosophie anglaise, qui ont constitué au début du siècle la doctrine appelée logico-positivisme, dont le livre majeur s'intitule Minimum Minimum. C'est un livre auquel vous trouverez déjà allusion dans mes écrits, avec certaines positions dépréciatives de ma part. Le sens du sens. Le positivisme procède de cette exigence qu'un texte est un sens véritable qui l'amène à une position qui est celle-ci que certains noms dénoncés philosophiques se trouvent en quelque sorte dévalorisés au principe du fait qu'ils ne donnent aucun résultat saisissable quant à la recherche du sens, en d'autres termes. Je peux qu'un texte philosophique soit pris en flagrant délit. Selon Kant, il est mis comme cela même hors de jeu. Il est trop clair que c'est là une façon d'élaguer les choses, ce qui ne permet guère de s'y trouver, car qui nous tient en estime, tout simplement. Il va bien sûr une telle exigence soit procédée, mais ce procédé nous interdit, en quelque sorte, toute articulation dans notre sens. C'est un véritable, c'est quelque chose qui, par exemple, ceci, par exemple, nous ne pourrons plus faire l'usage du discours mathématique dans de l'aveu des logiciens, les plus qualifiés, ceux qui caractérisent, c'est que il se peut que tel ou tel de ces points, nous ne puissions plus y donner aucun sens. Il ne l'empêche pas précisément d'être de tous les discours celui qu'il développe avec le plus de rigueur. Nous pouvons d'ailleurs peut-être à un point qui est tout à fait essentiel à mettre en relief concernant la fonction de l'écrit. Donc, c'est de tout qu'il s'agit. C'est de tout qu'il s'agit et en tant que oui, car je vous ai déjà dit que ce vrai, qui peut dans certains cas vouloir agir, voire même quelque chose qui est de l'ordre de terre, encore que ce ne soit pas n'importe lequel, il ici y a une chance de quelque chose comme avec. C'est avec que nous allons procéder comme quoi, comme lui. C'est ici le mot dans lequel je pointe, je vous cache ceci, je lis, je répète. Que ce livre, qui veut dire bien, et la chose est d'autant plus remarquable que précisément Marcus, dans son premier chapitre, se présentant à un certain prince, peu importe duquel, ce qui constitue alors les royaumes qui par la suite être les royaumes combattants, se trouve auprès de ce prince qui lui demande des conseils. Auprès de ce prince marqué qu'il n'est pas là pour lui enseigner le secret de notre joie présente à tous de savoir ce qui convient pour l'accroissement de la richesse du royaume, nommément ce que nous appellerions la plus-value. Il y a un sens qu'on peut venir rétroactivement à lui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Or, c'est bien là qu'il est remarquable de voir que ce que Marc, en l'occasion, insulte, c'est que, à partir donc de cette part qui est nature, si vous voulez, de la parole qui concerne la nature, ce dont il va s'agir, c'est d'arriver à la cause, entre la dite cause, c'est l'œuvre. I, ce qui veut dire le lit, œuvre, c'est quelque chose qui peut à la fois dire comme et comme mais. Œuvre, I, c'est seulement ça. Mais pourquoi? On n'en doute pas, le « i » qui termine, qui est un « i » fort visible, ce « i » a le même accent que celui-là. C'est « li » et « sali ». Là que je me permets, en somme, de reconnaître que, donc ce qui est des effets du discours, ce qui est sous le ciel, ce qui en ressort des autres de la fonction en tant que l'être le plus puissant. Vous verrez à vous référer à ce texte de même ceci. Vous avez deux façons de faire, vous procurez une part dans l'émission en somme très très bonne, qui en avait été donnée. Ça m'a dit que la fin du 19e siècle, nous n'étions guère dans une édition des quatre livres fondamentaux du christianisme. Vous avez une autre façon, c'est de vous emparer ce même sous son domaine qui est paru chez Gan Pao. L'oncle, je ne sais pas s'il en existe actuellement beaucoup d'exemplaires encore à Genève, comme on dit, mais après tout, le système de quota doit faire faire pour ceux qui seraient curieux de reporter à quelque chose d'aussi fondamental. Pour un certain éclairage d'une réflexion sur le langage et le travail d'un néo-positiviste et qui n'est certainement pas négligeable, le même Sondermann, donc de Richard, se procure à Londres, s'écrit qu'un pape. C'est ce qu'il dit. On va se donner la peine pour me voir s'il peut pas se retrouver une photocopie. Peut-être n'en comprendront que mieux un certain nombre de références que je prendrai cette année carrière. Autre chose donc est de parler de l'origine du langage et autre chose de sa liaison à ce que j'enseigne. Est-ce que j'enseigne conformément à ce que l'article, j'ai l'année dernière articulé comme le discours de la lettre. Alors, vous l'ignorez pas, la linguistique a commencé avec Humboldt. À cette sorte d'interdit pas poser la question de l'origine du langage, faute de quoi bien sûr, on s'égare. Vous savez pas bien que quelqu'un soit habité en pleine période de multiplication génétique, c'était le style au début. Et posé que rien n'a jamais situé, fondé, articulé concernant le langage, si on ne commençait pas d'abord à interdire les questions de l'origine. C'est un exemple qui aurait bien dû être suivi ailleurs. Nous aurait évité bien des élucubrations de celles qu'on peut appeler primitiviste. Il n'y a rien de tel que la référence au primitif pour primitiver la pensée. C'est celle-même qui regrette régulièrement à la mesure même de ce qu'elle prétend découvrir comme primitif. Le discours de l'analyste, ou bien je le dis, jusqu'en somme, vous ne l'avez pas entendu, le discours de l'analyste n'est rien d'autre que la logique de l'action. Vous n'avez pas entendu pourquoi, parce que lorsque j'ai étudié l'année dernière, avec des filières au tableau, c'est ça, je forme. Une petite tâche qui reste deux. Et ne dis pas au niveau de l'analyse, dans lequel les signifiants naissent. C'est parce que c'était écrit comme ça, car j'ai écrit à ma reprise, c'est tous la même que vous ne l'avez pas entendu. Comme ça que l'écrit se différencie de la parole, et il faut y remettre de la parole, et l'ampleur est certes souvent, mais naturellement, non pas inconvénient ainsi. Donc, il soit entendu. On peut écrire donc des tas de choses sans que ça parvienne à aucune oreille. C'est pourtant écrit. C'est même pour ça que mes écrits, je les ai appelés comme ça. Ça va scandaliser comme ça des mondes de sens qui ne sont pas n'importe qui. Très curieux de la personne que va littéralement convulser, soit une jabonnette. Comment créer ça plus tard? Naturellement, ici, ça n'a convulsé personne, mais la jabonnette dont je parle n'est pas là. Mais bien entendu, il y a de cette tradition, sans réponse à l'occasion, pourquoi cette espèce d'effet de l'insurrection s'effondre. C'est de la parole, bien sûr, que se crée la voie vers l'écrit. Mes écrits, si je les ai intitulés comme ça, c'est qu'ils représentent une tentative écrite. Comme c'est suffisamment marqué dans ceci que ça aboutit à des drames. L'ennui, c'est que les gens qui étant commentés partent tout de suite des graphes qui sont forts. Les graphes ne sont compréhensibles qu'en fonction, je dirais, du moindre effet de style des dix écrits. Ce sont en quelque sorte les marches d'accès. Moyennant quoi, l'écrit repris à toi tout seul, qui s'agisse de tel ou tel schéma, celui qu'on appelle elle ou n'importe quoi, ou du grand grâce lui-même, présente l'occasion de toutes sortes de malentendus. C'est une parole. Il s'agit, en temps bien sûr, et pourquoi, qu'elle tente à cueillir la voix assez grave de qu'il s'agit, mais il convient de ne pas oublier cette parole pour la raison qu'elle est elle-même, qui se réfléchit de la règle analytique, qui est, comme vous le savez, parler, parolier, voilà à la boîte d'où sortent tous les dons du langage. Une boîte de quel rapport donc avec ces grâces? Ces grâces, bien sûr, personne n'a encore osé aller jamais jusque-là, ces grâces ne vous indiquent rien, quoi que ce soit, qui permettent de faire retour à l'origine du langage. Il y a une chose pareille, discute tout ça, c'est que non seulement ils ne la livrent pas, mais qu'ils ne la promettent pas non plus. Disons qu'il va s'agir aujourd'hui et de la situation par rapport à la vérité qui résulte de ce qu'on appelle la libre association, autrement dit, un libre emploi de la parole. On n'est jamais parlé qu'avec l'ironie. Il n'y a pas plus de libre association qu'on pourrait dire qu'est libre une variable liée. d'une torsion mathématique. Mais la torsion définie par un discours analytique n'est bien évidemment pas libre. Elle est liée par une condition que je désignerai rapidement comme celle du cabinet analytique. À quelle distance est mon discours analytique tel qu'il est ici défini par cette disposition éthique? À quelle distance est-il du cabinet analytique? C'est précisément ce qui constitue ce que nous appellerons nos dissentiments avec un certain nombre de cabinets analytiques. Aujourd'hui, cette définition du discours analytique, toujours moins élargie, où j'en suis, ne leur paraît pas s'accommoder aux conditions du cabinet analytique. Or, disons à tout le moins, livre une partie des conditions qui constituent le cabinet analytique. Mesurer ce qu'on fait quand on entre dans une psychanalyse, c'est quelque chose qui a bien son importance, mais en tout cas, chacun moi, et qui indique dans le fait que je procède toujours à de nombreux entretiens préliminaires. Une personne pieuse, je ne désignerai pas le moment, pouvait, paraît-il, aux derniers échos, enfin, à des échos d'il y a 3 mois, au moins devait-il une gagne intenable pour elle à fonder le transfert sur le sujet supposé savoir, puisque par ailleurs, un médecin analytique qui se soutient d'une absence totale de vrai sujet, j'ai supposé savoir quoi. Vous permettrez de demander à cette personne si le psychanalyste doit être supposé savoir ce qu'il fait. S'il le sait, effectivement. À partir de là, on comprendra que je pose d'une certaine façon les questions sur le transfert dans la direction de la cure, par exemple. C'est un test auquel je vais résoudre que dans mon école, il se passe quelque chose de nouveau. C'est dans mon école, on se met à travailler au titre d'école, où c'est là. Un pas qu'on mène à ces nouveaux couverts relevés, je vais constater, non sans plaisir, que peut-être aperçu, que dans ce texte, on ne tranche aucunement de ce qu'est le transfert. Je vais précisément, en disant le sujet supposé savoir, que je définis, la question est tout à fait restantière de savoir si l'analyste peut être supposé savoir ce qu'il fait. Pour, en quelque sorte, prendre départ de ce qui aujourd'hui va être énoncé, et pour lequel le petit caractère chinois, car c'en est un. C'en est un, j'en regrette beaucoup que la craie ne me permette pas de mettre les accents qui permettent un souffle. C'en est un qui a un sens pour satisfaire les exigences des logico-positivistes. C'est un sens dont vous allez voir qu'il est pleinement ambigu, puisqu'il veut à la fois dire retard, qu'il veut dire aussi personnel, au sens du privé. fino a una qualche persona. E si parla a caso da come tutte queste forme che permette scritto di dire un soppiasso nel piano di un ricerco che non voglio fare un meno di due cose. L'usazione che si fa ici, che j'appelle au sens le plus large, je disais, voilà, c'est là, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de sens de chiguiner, les effets de l'enclage. Ici, nous avions un être qui s'agit, à savoir où ils prennent leurs principes. Là où ils prennent leurs principes, c'est en cela que le discours analytique est révélateur de quelque chose qui est un pas. J'ai essayé de le rappeler encore qu'il s'agisse de l'analyse de vérité première. C'est par là que je vais commencer tout de suite. Nous avons ici alors le fait de l'écrit, il est très important je pense que c'est à partir de certains énoncés qui ont été faits et qui tendent à établir une très regrettable conclusion, de rappeler que tout de même l'écrit est non pas premier, mais second par rapport à toute fonction du langage, et que, néanmoins, sans l'écriture, il n'est d'aucune façon possible de revenir à questionner ce qui résulte au premier chef de l'espèce de langage comme tel. Autrement dit, de l'ordre symbolique, c'est à savoir la dimension, pour vous faire plaisir, mais vous savez que j'ai introduit le terme de dimension, la dimension, la résidence, le lieu de l'autre de la vérité. Je sais que cette dimension a fait question sur certains, les échos au moins sont revenus. Eh bien, si dimension est un effet, un terme nouveau qui s'est fabriqué, et s'il n'a pas encore de sens, eh bien, ça veut dire que c'est à vous que ça revient de lui en donner un. Interroger la dimension de la vérité dans sa demeure, c'est quelque chose. Là est le terme, la nouveauté de ce que j'introduis aujourd'hui. Il ne se fait que par l'écrit. Et par l'écrit, entend ceci, que il n'est que de l'écrit que se constitue la logique. Voici ce que j'introduis en ce point de mon discours de cette année. Il n'y a question logique qu'à partir de l'écrit, en tant que l'écrit n'est justement pas le langage. C'est en cela que j'ai énoncé qu'il n'y a pas de métalangage. Que l'écrit même, en tant qu'il se distingue du langage, et là pour nous montrer que si c'est l'écrit que s'interroge le langage, c'est justement en tant qu'il écrit, il est pas nous, mais qu'il ne se construit, ne se fabrique que de sa référence au langage. ne prête de la communauté scientifique avantage. Et vous frayez ma visée, mon destin. Je regarde de ceci qui concerne le ce point qui est de l'ordre de cette surprise par où se signale l'effet de rebroussement dont j'ai essayé de définir la jonction de la vérité au savoir. Et que j'ai énoncé en ces termes qu'il n'y a pas de rapport sexuel chez l'être parlant. Il y a une première condition qui pourrait tout de suite me faire voir. C'est que le rapport sexuel, comme tout autre rapport au dernier terme, ça ne subsiste que de l'écrit. L'essentiel du rapport, c'est une application. A, appliquer sur B. Si vous l'écrivez en A et B, vous ne tenez pas le rapport en tant que tel. On ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses dans la haine. Mais au nom de quoi l'appelleriez-vous rapport? Cette chose grosse comme tout suffirait déjà à rendre, disons, concevable qu'il n'y ait pas de rapport sexuel. Mais ça ne trancherait en rien le fait qu'on n'arrive pas à l'écrire. Je dirais même plus. Il y a quelque chose qu'on a fait déjà depuis un petit temps, je vais écrire comme ça. Observant le physique planétaire, à savoir rapport de ce qui est mâle à ce qui est femelle. Je dirais même que depuis un certain temps, grâce au progrès qu'a permis l'usage du microscope, n'oublions pas qu'avant que je sois mère-dame, on ne pouvait en avoir aucune espèce d'idée. Ceci peut sembler articuler le fait que le rapport, si complexe soit-il, n'est pas si méiotique qu'en soit le procès, par où les cellules dites gonadiques donnent un modèle de la fécondation du procès de la reproduction, eh bien, semble qu'en effet, quelque chose soit le monde établi qui permet de situer un certain niveau biologique, ce qu'il en est du rapport sexuel. L'étrange, naturellement, et après tout, mon Dieu, pas tellement tel, mais je voudrais évoquer pour vous la dimension d'étrangeté de la chose, c'est que la dualité et la suffisance de ce rapport ont depuis toujours leur modèle. Je l'ai évoqué la dernière fois à propos de ça, c'est une chinoise, là, je vais quoi passer un peu, je vous montrer les signes d'un pour vous épater. Mais la ligne que je vous ai passée la dernière fois, le volant, la ligne, et le nombre de volants que je répète, n'est-ce pas? Voilà. Le yin et le yang, les principes mâles et femelles, Voilà ce qui, après tout, n'est pas particulier à la tradition chinoise. Voilà ce que vous retrouvez dans une espèce de cogitation concernant les rapports de l'action et de la passion, concernant le formel et le substantiel, concernant Purusha, l'esprit et Prakriti, c'est quelle matière femelle, le modèle général. De ce rapport du mâle et du femelle, eh bien, ce qui rentre depuis toujours, depuis longtemps, le repérage de l'être parlant concernant les forces du monde. Il convient de marquer ceci de tout à fait nouveau, ce que j'ai appelé l'effet de surprise, de comprendre ce qui est sorti, quoi cela parle du discours analytique. C'est qu'il est intenable d'en rester d'aucune façon à cette dualité comme ce qui sort. C'est que la fonction dite du phallus, qui est après dit la plus maladroitement maniée, mais qui est là, qui fonctionne, lorsqu'il en est, non pas seulement une expérience liée à que je ne sais quoi, qui serait à considérer déviant comme pathologique, mais qui est essentiel comme tel à l'institution du discours analytique, cette fonction du phallus rend désormais intenable cette bipolarité sexuelle et intenable d'une façon qui littéralement volatilise ce qui en est, de ce qui peut s'écrire de ce rapport. Il faut distinguer ce qu'il en est de cette intrusion du phallus, de ce que certains ont cru pouvoir traduire du terme de manque de signification. Ça n'est pas manque de signifiance qu'il s'agit, mais de l'obstacle fait à un rapport. Ce phallus, en mettant l'accent sur un organe, ne désigne nullement l'organe pénis avec sa physiologie, ni même mettant celle de la population. Il vit de la façon la moins ambiguë, si on se rapporte aux textes analytiques, son rapport à la jouissance. C'est en cela qu'il distingue de la fonction physiologique. Il y a, c'est cela, faute, comme constituant fonction phallique, il y a une jouissance. Différent du rapport sexuel, quoi nous appellerons la condition de vérité, l'angle sous lequel est pris l'organe qui au regard il en est l'ensemble des vivants, n'est nullement lié à cette forme particulière que vous aviez la variété. Population et puisque les insectes, vous voyez que c'est après tout le principe de ce qui est toujours un bon usage, à savoir l'étonnement, vous interrogez le réel, et vous voyez certainement que ce ne soit particulièrement comme ça que fonctionne chez les vertébrés. Il s'agit ici de l'organe important pour une petite amie, car je ne vais pas m'éterniser, tout votre rapport au texte dont je parlais tout à l'heure, sur la direction de la cure et des principes de son pouvoir, le phallus de l'organe en tant qu'il est. Voilà où est en point réside l'incompatibilité de l'être et de la voix. Dans ce texte, je suis répété avec certaines distances, en mettant certains signes. Bon, je répète qu'ils sont aussi importants que les cheminées, que les graphes. Et voilà, ça fait un peu de moi, comme ça, le congrès d'un royaume, je suis un peu plus canaire, je suis tout là, je lis de l'être et d'avoir, je ne vais savoir pas l'emporter, l'être et d'avoir, j'ai choisi. C'est pourtant ça qui s'appelle la castration. Ce que je propose, et ce qui se pose, que je le regarde, n'est-ce pas, vous le faites comme ça. À son champ réservé dans cette séance du rapport sexuel, celle que la laisse ouverte le phallus en posant qu'il y introduit, ça n'est non pas de termes qui se définissent du mâle et du femelle, mais de ce choix. Et d'une fonction bien différente qui s'appelle l'être et l'amour. Ce qui le prouve, ce qui le supporte, ce qui rend absolument évident, définitif cette distance, c'est ceci. Ceci dont il semble paraître, on l'a remarqué, etc. C'est la substitution au rapport sexuel de ce qui s'appelle la loi sexuelle. C'est là que cette distance s'inscrit. Il n'y a rien de commun entre ce qu'on peut dénoncer d'un rapport, une loi en tant qu'il relève sous une forme quelconque de l'application telle qu'au plus près la terre, la force mathématique, et une loi qui est cohérente à tout le registre de ce qui s'appelle le désir, de ce qui s'appelle l'interdiction, de ce qui souligne que c'est de la véhérence même, l'interdiction instinctive, que relève la conjonction, voire l'identité, comme j'ai osé l'énoncer, de ce désir et de cette loi. Et ce qui pose corrélativement de tout ce qui relève de l'effet de l'organe, de tout ce qui instaure la dimension de la vérité d'une structure de fiction. La corrélation de toujours du rite et du mythe dans ces faiblesses ridicules. Dire que le mythe serait simplement le commentaire du rite qui est fait pour le soutenir, pour l'expliquer, alors que ce n'est selon une topologie qui est celle que j'ai fait déjà depuis assez longtemps, et ça, on n'aura pas besoin de la rappeler. Le rite et le mythe sont comme l'endroit et comme l'envers, à condition que cet endroit et cet envers soient en continuité. Le maintien dans le discours analytique de ce mythe résiduel s'appelle ce mythe, Dieu sait pourquoi, qui est en fait celui de totem et tabou, ou s'inscrit, ce mythe tout entier de l'invention de l'homme, du père primordial, en tant qu'il jouit de toutes les femmes, nous devons interroger la logique de l'écrit, ce qu'il veut dire. Il y a bien longtemps que j'ai introduit ici le schéma de cœur, concernant les propositions en tant que en universel particulière, affirmatif et négatif, les deux termes, le groupe de termes s'échangent. Chacun sait de le dire que tout X est Y, c'est le schéma de la première, a un intérêt, je le montre ici, c'est que le définir comme nécessaire. Que tout quelque chose soit pourvu de tel attribut, c'est une position universelle, parfaitement recevable, sans qu'il y ait pour autant aucun X. Dans la petite formule, le schéma de l'heure, je vous rappelle, ici nous avons un certain nombre de traits d'air. De deux de ces cases que résulte la spécificité d'elle ou d'elle de ces propositions. Et que c'est à rassembler ces deux cadres qu'on peut dire tout trait est vertical. S'il n'est pas vertical, il n'y a pas de trait. Pour faire la négative, ce sont ces deux-là. Ou bien il n'y a pas de trait, ou bien il n'y a pas de trait. Se désigne le mythe de la jouissance de toutes les femmes, c'est que le toutes les femmes, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'universel de la femme. Voilà ce que pose un questionnement du phallus. Quant à ce qu'en est de la puissance qui constitue, comme il dit, que c'était la puissance féminine. C'est à partir de ces énoncés qu'un certain nombre se trouve radicalement déplacé. Après tout, il est possible qu'il y ait un savoir de la jouissance qu'on appelle sexuelle, qui soit le fait de certaines femmes. La chose n'est pas un les choses qui s'appellent le tantra, on dit que ça se passe. Il est tout de même clair que depuis un bon bout de temps, si vous me permettez ainsi d'exprimer ma pensée, l'habileté des joueuses de lutte est beaucoup plus patente. C'est pas pour jouer de l'obscénité. Que j'avance ça à ce point, c'est que il y a ici, je le suppose, il y a au moins ici une personne, puisque c'est que je vais de la flûte, la personne qui récemment me faisait remarquer à propos de ce que je vais de la flûte, mais on peut dire aussi à propos de tout usage d'instrument. Quelle division du corps, usage d'instrument, quelle division rend nécessaire. Je veux dire rupture de synergie. Mettez-vous sur une terre de ski, vous verrez tout de suite que l'énergie doit être rupture. On est une carte de vote, là, vous verrez ça. Voilà, hein? Il y a deux types de mouvements. Il faut que vous sachiez en même temps, vous y arrivez au début, absolument pas, parce que si énergiquement ce savoir. Personne qui m'a bien rappelé la chose à propos de ce qui est également à propos du chant, où on attend, c'est pas dans ce coup, c'est dans ça que je chante pas. Et là aussi, il faut essayer encore que vous utilisiez deux choses. Pour que vous puissiez chanter, mais qui d'habitude est absolument synergique, de savoir la cause de la voix et la respiration. Bon, la vérité première, en rappelant, je l'avais la dernière expérience de la carbone, c'est ce qui laisse ouverte comme une question, qui a encore quelque part un savoir. De l'instrumentalisme. Mon instrumentalisme, ce n'est pas un instrument de l'option. C'est comme pour le chant. Hein. L'instrumentalisme, je vous ai déjà dit, n'est pas du tout à confondre avec le pénis. Le pénis, lui, traite sur la loi, c'est-à-dire sur le désir, c'est-à-dire sur le plus de jouir, c'est-à-dire sur la cause du désir. C'est-à-dire sur le fantasme. Et ça, le savoir supposé, la femme qui saurait, là, elle rencontre un os, justement, celui qui manque à l'organe. Si vous me permettez de continuer. Dans la même veine. Chez certains animaux, il y en a un. Ça, oui. Là, il y a un manque. Un os manque. C'est pas le phallus. C'est le désir. Son fonctionnement. Il en résulte qu'une femme n'a de témoignage de son insertion dans la loi, de ce qui supplée au rapport. Par le désir de l'homme. Là, si vous avez un tout petit dernier en sémantique, pour en avoir la certitude. Le désir de l'homme, je viens de dire, est lié à sa cause, qui est le plus de jouir, ou qui est encore, comme je l'ai exprimé, même fois, il prend sa source. Dans le champ du tout pas, l'effet de l'enquête, dans le désir de l'autre, donc, et la femme, à cette occasion, c'est elle qui est l'autre. Comment elle est l'autre? D'un tout autre ressort, d'un tout autre registre, que son savoir, quel qu'il soit. Voilà donc l'instrument de la femme. Avec des guillemets, comme cause du langage. Je n'ai pas dit origine. Mais là, je voudrais leur avancer, mon Dieu. Je dirais vite. Je signalerai la trace qu'on en peut avoir. À savoir le maintien, quoi, mon Dieu, d'un interdit sur les mots obscènes. Et puisque j'ai qu'il y a des gens qui m'attendent à ce que je leur ai promis, faire allusion à Eden. Ah! Et dire pourquoi je ne signe pas les machins, les pétitions, à ce propos, c'est que mon estime soit médiocre pour cette tentative. C'est votre cause, pour ta race, c'est écrit. Elle se dirait qu'elle est beaucoup plus désespérée. Il est tout à fait désespéré de l'engager l'instrument. Parce que je considère comme en ce point sans espoir, que je pense aussi que ne peut se développer autour d'une telle tentative de malentendu. Vous voyez que c'est un point hautement théorique que je place en location. Là où je voudrais être en ligne, et ceci. interroge-t-on la vérité? Car la vérité, elle se dit tout ce qu'elle veut. C'est leur art. Ça existe depuis toujours. Et après ça, on n'a plus qu'à se débrouiller. Demain, il y a un fait nouveau, hein? Le premier fait nouveau depuis que fonctionne leur art. C'est-à-dire depuis toujours. C'est un des écrits, le fait. Il s'appelle la chose première. J'ai un depuis que personne n'avait rien. Hein? C'est écrit, naturellement, qu'il n'avait pas entendu. J'ai dit que la vérité parle je. Si vous aviez donné son doigt à cette espèce de luxuriante polémique, pour présenter la vérité comme ça. Je vais vous dire. On va rentrer dans la pièce dans un fracas de miroir. Ça aurait peut-être pu vous ouvrir les jambes. Vous trouvez des miroirs stables dans un écrit de pratiquement. C'est pourtant assez bien écrit. C'est là ce qu'on appelle les textiles. Ça vous aurait certainement aidé à comprendre ce que ça veut dire, la vérité par le feu. Ça veut dire qu'on peut lui dire « tu ». Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Vous allez croire, bien sûr, que je vais vous dire que ça sert au dialogue. Il y a longtemps, j'ai dit qu'il n'y avait pas de dialogue. Et avec la vérité, bien sûr, encore moins. Néanmoins, si vous lisez quelque chose qui s'appelle la métamathématique de Lorenzen, je l'ai apporté de chez Gauthier Villard et vous. Bon. Puis, je vais vous-même vous indiquer la page où vous verrez des choses fastidieuses. C'est des dialogues. C'est des dialogues écrits. C'est-à-dire que c'est le même qui écrit les deux. C'est un dialogue bien particulier. Comment c'est très instructif. C'est très instructif, mais je pourrais le traduire de plus d'une façon. Y compris en servant de mon être et de mon avoir. Je dirais plus simplement. Pour vous rappeler cette chose sur laquelle j'ai déjà mis l'accent. C'est à savoir qu'aucun des prétendus paradoxes auxquels s'arrête la logique classique celui du jugement ne tient qu'à partir du moment où c'est écrit. Il est tout à fait clair de dire le jugement est une chose qui n'est aucun obstacle. Dans le livre, on fait ça, alors pourquoi le dirait-on pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Le jugement, quand c'est écrit, que là, il y a paradoxe, car on dit là, à l'ouverture, il y a aussi vrai. C'est exactement la même chose que je vous ai fait remarquer dans son temps, de décrire le plus petit nombre. Il s'écrit en plus de 15 mots. Vous ne voyez là aucun obstacle. Quand je vous dis, si c'est écrit, vous les comptez, vous vous apercevez qu'il y en a 13. Dans ce que je viens de dire, ça ne se compte que si c'est écrit. Je dis que c'est écrit en japonais, le défi des comptes. Là, je vous trouverai quand même la question et des trous comme ça, l'agissement des petits hauts, des petits hauts, dont vous vous demanderez qu'il faut se coller au mot ou du mot, il faut se détacher, se compter pour un mot, même pas un mot, c'est dire, quand c'est écrit, c'est comptable. Alors, la vérité, vous vous apercevrez qu'exactement comme dans la métamathématique de leur concept, si vous posez, on ne peut pas à la fois dire oui et non sur le mot, ben vous gagnez. Vous verrez tout à l'heure ce que vous gagnez. Mais si vous lui dites que c'est oui ou non, là vous gagnez. Préférez-vous alors une scène, mais je vais vous l'illustrer tout de suite. Je pose pas vrai, dis la vérité. Que tu dis vrai et que tu penses en même temps. Il a été de répondre à des choses. Puisque c'est vous qui avez fait raison. Vous ne dites rien. De toute façon, ça va aboutir au même résultat. Et tout le détail. Restez collé au Lorenzen. Elle dit si vrai. Le répondez. Je te le fais pas dire. Alors, pour vous emmerder, elle dit je mens. Quoi vous répondez? Maintenant, j'ai gagné. Je sais que tu te contredis. C'est exactement ce que vous découvrez avec l'inconscient. Ça n'a pas plus de portée. L'inconscient dit toujours la vérité. Et finalement, c'est de chez lui parfaitement sous nature. C'est simplement à vous de le savoir. Qu'est-ce que ça vous apprend? Que la vérité, vous n'en savez quelque chose que quand elle se déchaîne. Car elle s'est déchaînée. Elle a brisé votre chaîne. Elle vous a dit les deux choses aussi bien. Vous disiez que la conjonction n'était pas suffisante. Mais supposez le contraire. Que vous lui ayez dit, ou tu dis vrai, ou tu mens. Ben là, vous en êtes pour l'autre. Parce que qu'est-ce qu'elle vous répond? Que d'accord, mon cher, tu dis ou tu dis vrai ou tu non. Seulement alors là, vous ne savez rien. Vous ne savez rien de ce qu'il vous a dit. Sauf que vous êtes perdant. Laissez-le dire ceci dont nous avons constamment l'expérience et que qu'elle se refuse la vérité, alors ça me sert. C'est à ça que nous avons tout le temps à faire. Mais qu'elle s'abandonne, je vais faire un geste, quelle qu'elle soit. Eh bien, j'y perds mon latin. Comme on dit, ça me laisse à désirer. Ça me laisse à désirer, ça me laisse dans ma position de demandeur. Je me trompe de penser que je puis prêter une vérité, que je ne puis reconnaître qu'au titre de déchaîné, vous montrer de quel déchaînement vous partez. Il y a quelque chose qui mérite d'être relevé dans ce rapport. C'est la fonction de quelque chose. Donc, il y a longtemps que je me mets tout doucement comme ça sur la sellette. Et qui se nomme la liberté. Il y a à travers. J'en ai qui est YouTube. De certaines façons, ou sinon la vérité elle-même, ou elle-même, devrait être apprivoisée. Je veux dire, une sorte, dans quelle variété de détails, ces sortes d'élucubrations de ces années. Il y a une chose très forte. C'est mis à part d'une certaine sorte de manque de sérieux. Et peut-être qu'il y a plus solide pour définir la perversion. Eh bien, ces solutions élégantes, les que